mwen pa bezwe domesti. Yon komi tre jen pou l'ba genyen plus ke 16 ans. Genyen yon gwo bouti. Mwen pa bezwen domesti. Bezwen yon komi tre jen pou l'ba genyen plus ke 16 ans. L'argent même c'est de temps en temps albaï maman de série. On va dire. Il retire petit parti par lui. Il met mon nez à pas, mais green back à pas pour le pot de bail maman. Pour la marier dans la boutique j'ai un homme non. Yeah.